Salut, c'est Ulysse du collectif Ambiose. Joyeux Noël à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de British Connection. Et pour fêter ça, je vous propose 30 minutes d'Ambiose, sans interruption, maintenant, dans British Connection. Et tout de suite, vous allez écouter notre morceau 4h37. On l'a sorti il y a 2 ans, quand on commençait la promo de notre dernier EP Ange Gardien. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous pouvez découvrir tout notre travail sur toutes les plateformes de streaming. Vous tapez Ambiose, c'est tout simple. Et vous pouvez évidemment nous découvrir tout de suite sur British Connection. All night long. All night long. All night long. All night long. C'est dans ces nuits que je cauchemarde, les yeux cernés de bac à sable. Le sang sur le lit miroite, quelque chose de grave. J'ai plus de gueule, j'ai plus les mots pour dire à quel point je me sens fou, encore un peu fausse. Mes victoires éphémères me rendent esclave. Je ne soupirai peut-être plus ce soir avec toi, car l'insomnie me calomnie et les amis, le malheur de quelqu'un qu'on ne comprend pas. Non ma chérie, je t'en conjure, ne te drogue pas. Tu crèveras ta vie, tu verras aussi que les anges s'ennuient. Et le soir t'entendras cette voix qui te criera. Le soleil, est-ce bientôt l'heure du réveil? Et je transpire, que tu expires quelque chose de beau. Mais je me sens seul, je suis comme une feuille qui n'a pas trouvé bouteille à l'eau. Sans doute que demain je serai encore un peu cassé, le goût du whisky dans la bouche, et que le soir même dans l'obscurité, à nouveau j'entendrai. Combien de temps ça peut durer? Chérie, au fond ça te dérange, tous les il ou elle assortis à ta petite gueule d'ange. Viens, je t'emmènerai, je t'emmènerai, Des fois je me sens trop belle, des fois un peu oubliée, dans un corps sentinelle comme si les regrets pleuvaient. J'ai pas la science infuse, je suis qu'une fusion de comètes, juste une idée recluse panée sur la bonne planète. Je vais peut-être exploser dans des genres désœuvrés, qui sait, un film sans histoire, pourvu qu'il soit pas trop tard. Oui je sais, ma chérie, au fond ça te dérange, tous les il ou elle assortis à ta petite gueule d'ange. Viens, je t'emmènerai, je t'emmènerai. Hey.

toujours Ulysse du collectif Ambiose dans British Connection pour cette émission spéciale Noël. J'espère que le projet vous plaît. Vous allez d'ailleurs découvrir un de nos derniers singles, Reste là. Il fait partie de notre nouveau projet qui sortira au printemps. C'est un morceau et un EP qui parle beaucoup de mélancolie, de notre manque de confiance en soi et de la peur de l'abandon. Car on a parfois l'impression que sans les gens qui nous entourent, sans nos proches, sans toi, eh bah, on aurait du mal à continuer, tu vois. Tout de suite, reste là dans British Connection. Accident de voiture, mon heure sonne derrière l'incendie. Tu mets des coups de poing, je sais plus qui je suis. Pourquoi je t'aime autant, t'es perdu dans mes nuits. Et merde, soleil me mord, moi j'en voulais encore. Tu sais que tu me transformes, du sommet de tes plateformes. Je sais pas ce que t'as changé. À cause de toi j'ai le cœur tout arraché. Je sais bien que l'alcool et la fête me tueront. Je sais bien que tes lèvres sur les miennes nous. Je sais bien. Je sais bien. Et pourtant tu restes là. Et pourtant tu restes là. Dans tes bras je respire. Je veux même plus mourir. Reste là. Ces politiques gagneront pas. J'ai déjà tout. Les remplacer, le combat montré pas assuré. Tu me craches à la gueule, je sais plus qui je suis. Pourquoi je t'aime autant, t'as perdu toutes mes nuits. Je suis un ringard dans la teuf, toi t'as le regard lacrymo. Même ces connards de keuf, ils ont pas ton niveau. Je sais pas ce que t'as cassé. À cause de toi j'ai le cœur tout dévasté. Je sais bien que l'alcool et la fête me tueront. Je sais bien que tes lèvres sur les miennes nous brûleront. Je sais bien. Je sais bien. Et pourtant tu restes là. Et pourtant tu restes là. Dans tes bras je respire. Je veux même plus mourir. Reste là. Je sais bien que l'alcool et la fête me tueront. Je sais bien que tes lèvres sur les miennes nous brûleront. Je sais bien. Je sais bien. Et pourtant tu restes là. Et pourtant tu restes là. Dans tes bras je respire. Je veux même plus mourir. Reste là. Et pourtant tu restes là. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à écouter British Connection, ici même sur votre radio favorite. Pour vous remercier de votre fidélité, l'émission vous offre encore plus de rock. Aujourd'hui j'ai 15 mètres carrés de liberté. 15 mètres carrés pour faire ma bouffe, 15 mètres carrés pour dormir, 15 mètres carrés pour essayer de dormir, 15 mètres carrés pour me motiver, 15 mètres carrés pour faire mes maquettes, 15 mètres carrés pour devenir, espérer, 15 putains de mètres carrés pour être heureux, 15 mètres carrés pour rien branler, juste être là, 15 mètres carrés juste pour être là, 15 mètres carrés à attendre, et le pire, c'est que je sais pas vraiment quoi. J'en ai fini de vos proverbes, j'ai trop perdu de ma superbe. Maintenant j'exile votre bon sens, je n'obéis plus que je ne pense. Ah d'accord, on devait recréer l'espoir, construire l'avenir sur un brancard et puis applaudir fort le soir, hein. Mais j'ai du plomb dans la tête depuis que mes idées prennent. C'est pourquoi le monde me rejette, ça coûte combien d'être heureux. J'ai du plomb dans la tête depuis que mes idées prennent. Faut je n'ai plus de tête, puisque je peux. parle fort à la télévision. Voir si mes névroses et grippes pourront devenir des passions. Mais j'ai du plomb dans la tête. Nous sommes en bios dans British Connection et pour fêter Noël avec vous, 30 minutes de notre musique avec maintenant Rimbaud Triste. C'est un morceau qui parle de l'espoir de notre génération. Et j'en profite pour vous dire que si vous voulez nous découvrir un peu plus, comme par exemple nous voir en concert, voir toutes les actualités, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous serons très heureux de vous y accueillir. Je suis comme un Rimbaud Triste. J'ai le cœur anarchiste. Et sur mon bateau ivre, je tangue pour survivre, pour ne plus avoir peur. J'suis comme un Rimbaud triste. J'ai le cœur anarchiste. Et sur mon bateau ivre, je tangue pour survivre, prendre de la hauteur. J'suis comme un Rimbaud triste. Toi, le petit prince qui est jamais vraiment tombé du ciel, qui a pas vraiment pris place sur sa planète, qui côtoie l'immortel. C'est pas ta faute si tout s'écroule autour de toi, mon amour. L'Armageddon prendra fin et laissera place au beau jour. Je sais que nos voix sont des échos. Je sais que parfois on boit un peu trop. Tant qu'on usera nos corps sur les îlots aux aurores. J'suis comme un Rimbaud triste. J'ai le cœur anarchiste. Et sur mon bateau il... Pour survivre, pour ne plus avoir peur, j'suis comme un Rimbaud triste. J'ai le cœur anarchiste. Et sur mon bateau, je tangue pour survivre, prendre de la hauteur, j'suis comme un Rimbaud triste. Toi, la jeune reine qui a le regard qui flanche et la tête en avalanche. Le cœur qui bat parfois de travers avec tes nuits un peu trop blanches. Y'aura toujours des comètes qui tomberont sur le crâne. Sinon nos soirs seront trop délectables pour une fille. J'suis comme un Rimbaud triste. J'ai le cœur anarchiste. Et sur mon bateau ivre, je tangue pour survivre, pour ne plus avoir peur. J'suis comme un Rimbaud triste. J'ai le cœur anarchiste. Et sur mon bateau ivre, je tangue pour survivre, prendre de la hauteur. J'suis comme un Rimbaud triste. Peut-être nous serons rois du monde, un jour dans l'air, à l'abri des secondes, d'une dictature à l'âme charitable, plus de larmes dans nos yeux, peu stable. Un jour peut-être nous serons rois du monde, un jour dans l'air, à l'abri des secondes, d'une dictature à l'âme charitable, plus de larmes dans nos yeux, comme un Rimbaud triste. Connection. Et voilà, British Connection spécial Noël, c'est terminé pour aujourd'hui. On va se retrouver évidemment la semaine prochaine, ici même sur votre radio favorite, en vous informant que l'émission que vous venez d'écouter, que je viens de vous proposer, sera disponible en podcast dès demain. Et puis la semaine prochaine, pour fêter la nouvelle année 2025, eh bien, ce sera une émission pleine de surprises et je vous offrirai plein de cadeaux. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et en attendant, n'oubliez pas, British Connection, c'est votre émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Allez, ho ho ho, joyeux Noël. Bring us a figgy party and bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring it right here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We all like a figgy pudding. We all like a figgy pudding. We all like a figgy pudding with all its good cheer. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Lorsque je suis avec mes moutons, là-haut dans la montagne, je peux pas écouter British Connection, alors je m'occupe comme je peux.